De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons l'astrophysicien Jean-René Roy pour nous donner des nouvelles du télescope James Webb. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Valérie. Alors, Jean-René, on va parler des observations de James Webb, mais avant, eh bien, on est le 8 avril, il s'est passé un événement fantastique aujourd'hui, et vous avez quelques remarques à faire à propos de l'observation de l'éclipse. Oui, en fait, c'est pas l'éclipse elle-même, c'est plutôt les gens qui, dans notre société, à différents niveaux gouvernementaux et de l'administration scolaire, qui eux et elles semblent avoir vécu une éclipse de l'esprit. C'est bien dit. Ça me préoccupe, ce genre d'attitude. On vit dans une ère de l'information et l'école est faite pour enseigner la connaissance, pour apprendre à découvrir le monde. Et s'il se passe un phénomène particulier et rare dans ce cas-ci, si on reste sur place, la réaction de plusieurs instances a été assez déroutante et je dirais dérangeante. Dans notre ère d'information, on s'attendrait à mieux. Dans notre civilisation, société qui supposée valorise l'éducation, l'apprentissage, on devrait s'attendre à de meilleures choses. Et d'avoir fait face, finalement, à cet obscurantisme, d'empêcher les enfants et même des adultes qui s'empêchent eux-mêmes d'observer un phénomène comme ça dans la nature, et il y en aura d'autres dans le futur, de se mettre la tête dans le sable de cette façon-là est assez étourdissant. Donc, c'est un aveuglement et c'est aussi fondé en partie sur l'ignorance, supposément, de danger pour l'œil et ils sont absolument minime. J'imagine pas quelqu'un qui va regarder le soleil en continu sans bouger la tête pendant 15 secondes, à moins qu'on lui mette un carcan autour de la tête. Donc, le phénomène va se répéter et j'espère que maintenant qu'on n'en verra plus ici, d'ici presque 2 siècles, les gens pourront aller à l'extérieur, payer quelques milliers de dollars pour aller observer un tel phénomène. Mais c'est une mise en garde qu'on doit se faire vis-à-vis des décisions, de la bêtise qui se fondent finalement sur l'ignorance et qui finalement traduisent parfois l'ineptie des gens qui sont à la tête de nos institutions. Et c'est dommage et c'est grave. Ouais, c'est dommage de se priver d'un tel spectacle qui ne reviendra peut-être pas dans la vie de bien des personnes et de se priver d'une telle occasion d'enseignement scientifique. C'est vraiment dommage. Alors revenons à James Webb. Jean-René, la dernière fois que vous avez pris le micro de Futur Simple, c'était pour nous rapporter des observations de James Webb dans les confins de l'univers avec des observations de galaxies plus vieilles que ne le prévoient nos modèles. Et aujourd'hui, eh bien, vous tournez notre regard plus près de nous dans le système solaire. Alors, en fait, première question, Jean-René, est-ce qu'on a besoin du télescope James Webb pour regarder si près de nous? Qu'est-ce que ce télescope apporte que nous n'avions pas déjà avec les autres télescopes? Donc, en fait, deux choses qu'il faut distinguer. La question est très appropriée à Valérie. D'abord, on peut explorer certains de ces systèmes par des sondes spatiales qu'on envoie, qui prennent des années à s'y rendre. Et ces sondes nous fournissent des informations assez précieuses, surtout en termes d'images. Évidemment, James Webb, quand on considère des objets lointains du système solaire, même Mars, qui est la planète la plus proche, James Webb ne fait pas tellement mieux que certains télescopes au sol, comme des grands télescopes comme Gemini, où j'ai travaillé, et l'observatoire Keck à Hawaï. D'autre part, Webb est extrêmement performant parce qu'on l'a équipé de spectrographes, c'est-à-dire d'un instrument qui décompose la lumière et en analyse finalement, la présence de plusieurs éléments qui peuvent être exempts, et entre autres les molécules. Donc, Webb est ultra performant à ce niveau-là, même s'il demeure finalement presque les deux pieds sur Terre, à 1 500 000 kilomètres de nous. Et pour le moment, on n'a pas dans l'espace et dans le passé équipé des sondes spatiales qui sont allées proches de ces corps d'un tel équipement. Donc, c'est le domaine infrarouge, je l'ai signalé, ça nous permet entre autres d'observer les substances qui existent quand le milieu est plus froid. Ce n'est pas des étoiles, donc en milieu plus froid, il va y avoir des choses comme des molécules, comme on a sur Terre, et aussi dans des conditions assez différentes. Ce qui est étonnant depuis quelques décennies, c'est de voir l'intérêt porté aux petits corps dans le système solaire. Et c'est ce dont vous voudrez qu'on parle, Valérie. Exactement. Donc là, James Webb a tourné son regard vers, par exemple, les satellites de Saturne et Jupiter. Donc, qu'est-ce que ce regard infrarouge nous apporte? Est-ce que là, vous parlez de molécules? Ça veut dire, est-ce qu'il a détecté des molécules particulières? Oui, donc on commence à détecter, à mettre en évidence des molécules organiques simples. Ce ne sont pas des surprises. Donc, les molécules organiques simples, c'est celles qui sont fondées sur les atomes les plus abondants, l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène. Donc, des molécules comme ça, c'est l'éthanol, ce qui est l'équivalent de l'alcool, le méthanol, l'acétylène et différents produits comme ça de base qui peuvent finalement entrer dans la construction de molécules plus compliquées. En fait, ce qui est à l'heure actuelle, ce qu'on commence par ces analyses spectroscopiques à comprendre où sont sur les petits corps, soit en orbite autour de planètes comme Jupiter et Saturne, leur grosse lune, entre guillemets, et aussi de manière plus intéressante, retrouver la présence possible de molécules de cette nature dans des objets beaucoup plus loin. Et là, je parle des objets qui sont de la ceinture de Kuiper. Oh là, on va loin là. On va loin. Donc, on sait, on connaît relativement bien maintenant la présence d'une ceinture de petits objets qui est celle située entre Mars et Jupiter, qu'on appelle la grande ceinture d'astéroïdes. Il y a des millions de petits corps. Ouais. Et on est toujours dans cette région assez proche du Soleil que les produits qui sont de glace, donc de la glace d'eau, la glace de méthane, d'ammoniac, a tendance finalement à se volatiliser parce que la température est très élevée. Donc les corps, comme le sont Mercure, Vénus, Terre et Mars, ces corps-là sont plutôt rocheux, avec un peu de glace pour les plus gros qui peuvent les protéger. Maintenant, il y a une autre ceinture. Et ces ceintures, ces rassemblements sur une orbite autour du Soleil de plusieurs millions de petits corps, donc disons que quelques dizaines de kilomètres à peut-être de l'ordre de 1 000 kilomètres de diamètre pour les objets de la grande ceinture d'astéroïdes. Et donc, ces petits corps se rassemblent là parce qu'il y a des mouvements de résonance. Entre autres, ici, c'est Jupiter, les autres planètes qui tendent à rassembler. Comme le berger rassemble ses moutons, ces petits objets dans cet endroit-là. Donc, on pensait même, il y a quelques années, dans le lancement des premières sondes vers les autres planètes, qu'on aurait des problèmes de collision. Mais jusqu'ici, tout le monde est passé au travers Ah sans problème. Et il y a une autre ceinture qui existe à beaucoup plus grande distance, c'est celle de Kuiper, qui est juste au-delà de l'orbite de Neptune. oui. Donc, Neptune, c'est la plus grosse planète qui forme la limite connue de notre système solaire. Donc, pour les grosses planètes. Et il y a aussi ce monde de petites planètes qu'on appelle planètes mineures, comme celle des grosses de la grande ceinture d'astéroïdes, et qui constitue ces objets qu'on appelle les objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune. Donc, Neptune, juste se rappeler, là, son orbite est à peu près une quarantaine de fois plus grande que celle de la Terre. Donc, le Soleil, il va nous paraître loin, le Soleil est Il est gros. beaucoup moins brillant. Il est comme une grosse étoile brillante dans le ciel. Et ces objets, au-delà, eux n'ont pas perdu leurs composants initiaux Ah ouais, c'est ça, c'est menés à la formation. Donc, c'est un peu les débris. Primordiaux. C'est Donc, ça. c'est un peu, entre guillemets, des fossiles du système solaire et eux sont chargés de matériaux de glace de glace d'eau, de glace d'ammoniac, de glace de méthane et probablement d'autres composites. Ah oui, Et ça nous dit un oui. petit peu à quoi ressemblait le début, les corps au début de la formation du système solaire et tout ce que donc les petites planètes intérieures ont perdu. Exactement. Et les grosses planètes aussi. Donc, en fait, c'est la matière de base qui a formé les grosses planètes, sauf par les processus de formation, de condensation. Il y a eu du chauffage quand on fait des gros corps et tous ces produits ont été perdus. À l'intérieur de ces objets transneptuniens, il y a aussi des éléments plus lourds. Il y a du nickel, il y a tout, mais en quantité beaucoup plus faible. Donc, c'est pour ça que les planètes géantes contiennent encore beaucoup sous forme de gaz les éléments primordiaux jusqu'à certains points, et les planètes terrestres ont tout perdu ces éléments légers. Et on se retrouve finalement avec les cailloux, ce qui est très utile pour nous en passant. Donc, la connaissance qui est donnée par les observations spectroscopiques des corps dissidents, que sont les objets transneptuniens, est fondamentale pour mieux comprendre la formation des systèmes planétaires et entre autres celui qui a donné lieu au système solaire. Ouais. Donc là, on a trouvé quoi? On a trouvé de l'eau et différentes molécules organiques simples dans Oui, ces donc. corps de transneptuniens. Oui, donc on trouve en fait, on commence juste à les étudier en fait. Donc, ce qu'on veut rechercher, c'est aussi des signatures de molécules peut-être plus complexes. Donc, essayer d'établir jusqu'où se fait la chimie. Parce qu'on sait que dans le milieu entre les étoiles, on peut trouver certaines composantes des acides aminés qui sont les plus complexes. Donc, et là, on n'a pas encore trouvé de signe de présence de molécules organiques plus complexes que celles que j'ai mentionnées. Donc, on va toujours quelque chose comme le méthane. Le méthane, c'est CH4, c'est un carbone 4 hydrogène. On trouve, entre autres, que l'eau aussi se transforme en peroxyde. Donc, ce n'est pas compliqué. Peroxyde, l'eau, c'est H2O. Peroxyde, c'est H2O2. Ouais, c'est pas très compliqué Et non ça a plus. des propriétés. Vous ajoutez un oxygène et vous le savez vous-même à la maison que le peroxyde, on ne boit pas ça à la bouteille. Non. Donc, il y a une petite différence. Donc, un petit changement d'une molécule se traduit par des changements de propriétés chimiques assez importants. Donc, essayez d'imaginer quand on construit des plus grosses molécules et de plus en plus grosses, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé et ça a donné la vie. Donc, on ne recherche évidemment pas ça sur ces petits corps, mais on cherche un peu jusqu'où s'est développée un peu la chimie organique sur ces corps. L'avantage aussi d'avoir un télescope, des télescopes qui observent, c'est qu'on peut aller viser plusieurs objets, un après l'autre. On a la distance qui nous en éloigne, donc on ne voit pas beaucoup de détails des surfaces, mais la lumière qu'on en reçoit, on peut l'analyser en beaucoup de détails. Alors qu'avec une sonde spatiale qu'on envoie, elle va frôler un corps. Donner des observations extraordinaires, comme l'a fait en 2015 la sonde New Horizon qui est passée à côté de Pluton. Et Pluton, d'ailleurs, c'est le plus gros de ces objets transneptuniens, à peu près à 1200 km de diamètre. Donc, juste une perspective, la Lune fait 3600 km. Donc, ce sont des petits objets. Donc, il n'y a pas d'hésitation à les appeler, si on le veut, planètes mineures, planètes naines, système en orbite autour de la Terre. Plusieurs des objets transneptuniens, d'ailleurs, sont doubles. Ce sont des paires d'objets. Et c'est pas trop compris, sauf que ça indique qu'il y en a beaucoup. On en a identifié 2000 à l'heure actuelle, et il y en a sûrement des millions, mais ils se gardent leur distance entre eux, ces objets transneptuniens. Sinon, ils perdraient leur planète, ou peut-être le fait qu'ils se frôlent les uns les autres, certains acquièrent un compagnon ou une compagne. Donc là, on est dans les transneptuniens. Ça me fait penser aussi aux comètes, sauf que les comètes, c'est un petit peu différent parce qu'elles, elles s'approchent du Soleil et donc elles perdent de la matière. Mais est-ce que James Webb, il regarde aussi les comètes pour voir la différence de composition entre les comètes Alors, justement et les autres? à l'heure actuelle, je n'ai pas vu d'observation faite de comète. Il y a une comète s'approche du Soleil à l'heure actuelle, qui est visible à l'aide de télescopes. On a de très belles images en ligne, qui s'appelle la comète Pons-Brooks. Donc, je n'ai pas vu de publication rapportant des observations de comètes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de se faire, là, surtout quand il y a une comète. Une des raisons de ça, c'est que les projets de télescope doivent être soumis assez longtemps d'avance, presque un an d'avance. Les comètes apparaissent comme ça, un peu à brûle-pourpoint. Mais il y a toujours moyen de demander au directeur du télescope d'avoir un programme spécial pour les observer. Mais on peut très bien faire l'observation de comètes avec les grands télescopes, comme je vous l'ai décrit. Sauf qu'il y a une capacité de spectroscopie dans l'infrarouge lointain qu'on n'a pas sur les grands télescopes parce que l'atmosphère ne laisse pas passer ce rayonnement aisément. Donc, les comètes, pour revenir à leur nature, ce sont des objets, j'ai parlé des transneptuniens, qui sont des corps glacés, petites lunes glacées, qui sont situées juste au-delà de Neptune rassemblées, mais il y en a aussi d'autres un peu épars. Les comètes, elles, viennent de beaucoup plus loin. Elle vient du nuage de Oort, qui est encore plus C'est loin. ça, on appelle ça un nuage de Oort, qui est une espèce de grosse sphère, ou une grosse coquille qui entoure le système solaire, qui est finalement et le vestige des objets du nuage initial que formait le système solaire. Et là, on est à des distances de milliers de fois la dimension du système solaire. Ah, Donc, on voit le nuage probablement s'étendre jusqu'à quelque chose comme une fraction d'année-lumière. Les étoiles les plus proches sont à 4 années-lumière. Et le nuage de Oort probablement s'étend jusqu'à à peu près de l'ordre d'une année-lumière, pratiquement. Ah Et cet objet demeure rattaché gravitationnellement au Soleil. Et de temps à autre, un objet se détache par perturbation, rencontre avec un autre objet, et en quelque sorte, sa trajectoire est modifiée, tombe vers le Soleil. Certaines comètes vont être, entre guillemets, capturées pour résider à l'intérieur du système solaire connu. Et c'est surtout dû au fait qu'elles vont passer trop proches de Jupiter ou de Saturne, qui ont des masses. Et là, au lieu d'être une orbite qui les amènerait à retourner au nuage d'Oort, à très grande distance, elles, finalement, viennent joindre la famille des corps du système solaire et ce qu'on appelle des comètes périodiques. La comète de Halley, par exemple, revient tous les 70 ans parce qu'elle réside maintenant à l'intérieur du système solaire pour une centaine d'orbites. Ouais, mais je me demandais si James Webb avait regardé aussi loin que le nuage de Oort pour voir la nature des comètes, il y avait des molécules organiques sur les comètes différentes de celles des transneptuniens. Mais il n'a peut-être pas regardé Non, jusque-là. c'est impossible à voir, C'est trop c'est trop loin. loin. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les objets qui demeurent encore visibles par nos télescopes optiques et infrarouges, quand on est dans les objets transneptuniens, sont à la limite des capacités d'observation de nos plus grands télescopes sur Terre et par James Webb. Donc rapprochons-nous dans le système solaire là, parce qu'on a regardé ce qui se passe donc dans ces fameux transneptuniens. Mais si on se rapproche donc de Jupiter, Saturne et donc des grosses lunes de, je sais pas, Titan, Ganymède ou même dans les anneaux de Saturne, est-ce que James Webb a vu des choses particulières? En fait, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est d'abord, on a une connaissance extraordinaire de ces lunes par les sondes qu'on a envoyées à proximité. Donc, ce que James Webb fait, c'est de caractériser, toujours en regardant le spectre, la nature des surfaces, entre guillemets. On a une assez bonne composition. Donc, encore une fois, déterminer la composition. Et deuxième chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est que James Webb, par la spectroscopie, va fournir de l'information. Par exemple, prenons l'eau, la glace. Vous le voyez, si vous avez une glace fraîche, vous faites vos cubes de glace dans le congélateur, la journée d'après, vos cubes sont transparents parce que la glace est toujours sous forme cristalline. Et vous le voyez à l'extérieur, une glace nouvellement formée, elle est transparente. Mais vous voyez tout de suite qu'après quelques jours, soit dans votre congélateur ou soit à l'extérieur, que la transparence disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu que les molécules d'eau soient structurées en cristaux bien définis, les cristaux se défont et la glace devient amorphe. Donc, ce que James Webb peut faire, c'est regarder à la surface, par exemple, de planètes qui ont de satellites de Jupiter et de Saturne, voir en fait l'état des glaces et faire un suivi et regarder et finalement avoir une information. Est-ce qu'on voit des signatures de glace cristalline, transparente, ou est-ce qu'on voit la glace surtout amorphe? Et assez surprenamment, il semble avoir des zones, ou en tout cas des signatures, où il y aurait de la glace en quelque sorte transparente. Donc, ce serait glace transparente, ça veut dire que c'est de l'eau qui a gelé récemment. Donc, une activité hydrique à la surface, probablement de certaines des grosses lunes de Jupiter. Ce qui n'est pas surprenant, étant proche de Jupiter, ils ont des effets de marée qui Ah font en quelque sorte un réchauffement de l'intérieur de ces lunes. oui. Donc, c'est à suivre. L'autre chose aussi, ils sont capables de caractériser si vous avez comme une neige ou une chose, est-ce que c'est une surface qui est lisse ou c'est une surface qui est rugueuse? Donc, rugueuse, pourquoi? Bon, si une atmosphère, on pourrait dire qu'il y a du vent, mais les atmosphères, il y a seulement Titan qui a une atmosphère considérable. On ne trouve pas d'atmosphère significative autour des grosses lunes de Jupiter, à part Io, qui, à cause de son activité volcanique, fait des éjections de soufre, entre guillemets. Et l'autre chose qu'on essaie de voir, et on a vu, par exemple, j'ai mentionné la transformation d'eau en peroxyde. James Webb a observé cette transformation, présence de peroxyde qu'on suspecte provenir de la transformation de l'eau et la réaction qui serait cause de cette chimie serait le bombardement par les particules associées à la magnétosphère de Jupiter. Jupiter a un champ magnétique très, très fort. Donc, il y a des aurores boréales et australes sur Jupiter, comme on en a sur Terre. Et aussi, Io est tellement proche de Jupiter qu'il y a un effet de passage un peu à la limite de cette magnétosphère et la surface des lunes de Jupiter, les grosses lunes, va être affectée par certaines particules accélérées dans la magnétosphère qui vont venir bombarder la surface de petites lunes, bon, de grosses lunes, Ganymède est une assez grosse lune, pour modifier non seulement la surface, mais aussi faire des réactions chimiques. Donc, ce n'est pas une grande surprise qu'on voit ces réactions-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on commence à pouvoir observer, mettre en évidence ces processus par spectroscopie infrarouge. Et je pense que ce sera probablement un des apports les plus importants de Webb de fournir des images qui sont intéressantes, mais en plus de cette capacité de spectroscopie qui nous permet de faire une analyse détaillée des processus chimiques. C'est ça, là on fait de la chimie là maintenant avec les planètes là, donc c'est vraiment une autre étape de décortication de la structure du système solaire là. On enlève on plonge dans une autre couche là. Ouais. Juste pour compléter une chose ici, on travaille beaucoup en partenariat. Il y a des observations qui sont faites avec James Webb et aussi on complète ou on fait en parallèle des observations faites avec des grands télescopes au sol. J'ai mentionné télescope Gemini et télescope Keck, puis il y a aussi ceux de l'Observatoire européen de l'hémisphère sud au Chili. Donc, on observe souvent les mêmes objets presque en même temps, mais en regardant en des portions du spectre un peu différentes, et même dans le visible pour les télescopes au sol, avec la technique d'optique adaptative qui nous permet d'avoir des images presque d'aussi bonnes et même de meilleure qualité que celles de Webb pour les objets distants. Voilà, alors ainsi se termine notre virée dans le système solaire avec les yeux de James Webb et ceux de Jean-René Roy qui nous permettent de voir avec ses explications, de mieux voir ce qui se passe dans ce système solaire. Alors merci beaucoup Jean-René. Je Toujours un plaisir. rappelle que Jean-René est astrophysicien. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous laisse maintenant en compagnie de Calypso le Moine qui va vous accompagner sur CKRL 89.1 avec son émission En aparté. Hasard ou coïncidence, Byzance ou Trafalgar,